Ngere. Serafina Kizimana sur la mise en onde. Bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Plus de 20 000 dossiers de conflits fonciers sont encore sur la table de la Commission nationale des terres et autres biens CNDP selon le porte-parole. 15 000 proviennent des provinces du sud du pays, Rumonge Makamba. Nous aurons des précisions avec Dieudonné Mbonima. Et le Burundi totalise ce 28 novembre 52 ans du régime républicain après celui de la monarchie, un régime qui au début était incompris au Burundi, dit le professeur historien Émile Moroha. Et à Karoussi, 10% de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition, de même que 9% des femmes enceintes et allaitantes, selon les enquêtes du projet de développement des filières ProDéfi. Et dans ce journal, nous aurons également la deuxième partie de la chronique éducation sur l'échec scolaire, un échec qui peut développer le dégoût à l'enfant chez le psychopédagogue Alexis Ndaizeye. Voilà pour le sommaire. Page justice transitionnelle pour débuter ce journal. Plus de 390 hectares ont été restitués à l'État et plus de 1400 dossiers de conflits fonciers exécutés par la Commission Terre et Autres Biens CNTB durant les 6 derniers mois. Cela a été dit par le porte-parole de la commission CNTB dans une conférence de presse animée ce mercredi en vue de présenter les réalisations semestrielles. Dieudonné Mbonima a fait savoir que plus de 22 000 cas de conflits fonciers autres biens restaient pendants sur la table de la CNTB et que les provinces de Rumonge et Makamba en elles seules totalisent plus de 15 000 dossiers. Je vous prie de suivre Dieudonné Mbonima, il est porte-parole de la CNTB. Comme les deux provinces décidées du pays, Makamba et Rumonge, regorgent le plus grand nombre de dossiers. Aujourd'hui, la CNTB enregistre plus de 22 400. Les provinces de Makamba et Rumonge, dans les communes Nyanzarake et Rumonge, regorgent plus de 15 000 dossiers en attente de traitement. La commission a continué son travail au niveau de ces deux entités administratives avant de poursuivre les activités dans toutes les provinces. Toutefois, les efforts ont été surtout concentrés sur les provinces d'Ormongue et Makamba. Ainsi, la CNTB continue son travail de rétablir les dates et les droits, les sinistrés par règlement à l'amiable, par décision, aussi par orientation vers les instances juridictionnelles et administratives et par exécution des dossiers clôturés. Nous sommes donc fiers du travail accompli par la CNTB et surtout du fait que les occupants secondaires en nombre toujours croissant, accepte que le sinistré soit rétabli dans ses droits et restitue sans aucune condition les propriétés acquises ou accaparées. Témoins sont les chiffres de 649 dossiers qui ont été clôturés par la délégation provinciale, avec surtout un nombre impressionnant de 803 dossiers traités par la sous-commission de recours en assemblée plénière et beaucoup de ces dossiers ont été clôturés et exécutés. Et le porte-parole de la Commission nationale des terres et autres biens indique que de faux témoins, la disparition de souches de dossiers d'archives sont parmi les défis auxquels a fait face la commission CNTB. Encore une fois, Dieudonné Mbonima. Bien que les résultats de la CNTB sont satisfaisants, la CNTB rencontre des contraintes de plusieurs ordres. Nous pouvons citer, par exemple, le nombre extrêmement élevé de dossiers au niveau de la sous-commission de recours, le recours aux mensonges et aux faux témoignages, ainsi que l'usage de faux documents. La plupart des occupants secondaires, ainsi que ceux qui ont acquis irrégulièrement les terres de l'État, exhibent des documents officiels pour justifier les droits de propriété sur les biens litigés, comme les actes de notoriété, titres de propriété, mais qui par après se révèlent être faux, car ils ont été dérivés sur base du faux support. Il y a aussi la difficulté de la vérification des documents présentés par les parties en conflit, du fait que les souches de ces dossiers ont disparu dans les archives de différents services. À cette contrainte s'ajoute celle liée à la procédure de déclaration de faux documents, qui est de la compétence des juridictions ordinaires, dont les jugements tardent à venir. Aussi, certains sinistrés réclament leurs biens fonciers et meubles, sans toutefois avoir des documents qui prouvent à suffisance leurs prétentions. Aussi, nous faisons face aux commissionnaires et aux faux témoins qui entravent les activités de la Commission nationale des terres et autres biens. Il y a aussi tentative de résistance à l'exécution des décisions prises par la Commission. La non-comparution des parties en conflit, car c'était d'entrée, sont exilés lors des manifestations de 2015. D'autres le font sciemment pour faire traîner l'avancement des dossiers au sein de la CNTB. C'était Dieudonné Mbonima, le porte-parole de la commission CNTB. Vous nous excuserez de cette erreur technique. 10% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition et 9% des femmes enceintes et allaitantes souffrent également dans la province de Karoussi. Cela ressort des enquêtes qui ont été menées par le projet de développement des filières ProDéfi et FIDA en opération dans cette province. Le cabinet du gouverneur demande une intervention des ONG pour faire face à cette situation. Blaise Pascal Calaroumier depuis Karoussi, correspondance. Cette enquête du projet ProDéfi, projet du développement des filières, a porté sur 20 100 ménages, des ménages choisis dans cette commune de la province Karoussi et dans la commune de Mouakilo de la province Moyinga, qui sont la zone d'intervention du ProDéfi Karoussi. Les résultats du dépistage de la malnutrition dans cette zone montrent que 10% des enfants d'âge compris entre 6 mois et 59 mois, c'est-à-dire âgés de moins de 5 ans, ces enfants sont malnutris. Aussi, 9% des femmes enceintes et des femmes allaitantes souffrent aussi de la malnutrition. Le coordinateur du projet ProDéfi indique que cette enquête a été effectuée pour une mise en œuvre effective des activités intégrées de sécurité alimentaire et malnutritionnelle pour le développement de la population de cette zone d'intervention. L'autorité provinciale demande que les ONG qui aident dans le développement de la province Karoussi, qu'il faut qu'ils fournissent plus d'efforts en priorisant ce secteur pour le choix des projets à exécuter. Le médecin provincial, Dr Ndissaïla Lewindas, dit que ces résultats vont aider les responsables de la province et les responsables des communes de la province pour le choix des projets de développement en vue de rabaisser ces effectifs de malnutrition dans la province Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Il y a 52 ans exactement que le régime monarchique a été remplacé par le régime républicain au Burundi. Ce changement fut un événement extrêmement important vu qu'il a initié un nouveau mode de gouvernance selon le professeur historien Manuel Émile Mouroha. Il indique que son nouveau système de gouvernance fut au début incompris vu que le Burundi venait de passer 4 décennies dans le système monarchique. Je vous prie de suivre le professeur Émile Mouroha. Et le 28 novembre 1966 a été un événement très important, une date importante dans l'histoire du Burundi, puisque c'est ce jour-là que la République a été proclamée. C'est un événement extrêmement important, parce que le régime monarchique vécu au Burundi plusieurs siècles, disons environ 4 siècles. Ce régime monarchique qui avait donc dirigé le Burundi avec les institutions traditionnelles, avec une société sans écriture, les autorités déléguées, si j'ose dire, avec un système de bashingatahe, etc. Donc, ce régime monarchique avait survécu en quelque sorte au régime colonial, même si le régime colonial avait essayé de vider de beaucoup de contenu du pouvoir monarchique pour remplacer le régime monarchique par un système bureaucratique colonial avec un gouverneur du Rwanda, Burundi, et nous sommes devenus indépendants. Et le roi, pendant l'époque coloniale, le roi était devenu comme une sorte de fonctionnaire. Et nous sommes devenus indépendants. Donc, sous le régime monarchique, il y a eu, si vous voulez, le Burundi est devenu une monarchie constitutionnelle. Il faut quand même dire que la monarchie avait montré ses faiblesses. C'était un régime, à mon avis, qui n'était plus adapté à la gestion d'un État. Donc, ce qui fait que il y a l'élite nationale, l'élite intellectuelle, l'élite militaire, etc. Ils avaient décidé donc de changer le régime, de remplacer. Vous savez, c'était le jeune roi Ntare V d'Izeye, qui venait d'ailleurs de passer à peine 3 mois à la tête du royaume. Et C'est dans ce contexte que la monarchie a été remplacée par la République. Et au début de ce système de gouvernance républicaine au Burundi n'a pas été compris par la population, encore une fois, professeur Émile Moro. Il faut dire que à la proclamation de la République en 1966, au niveau de la population, c'était un peu incompris. Donc, il y a eu même des appels à manifester pour soutenir la République, et que même ici, à Bujumbura, où les gens n'ont pas répondu, tellement l'idée monarchique était tellement ancrée dans l'esprit et dans l'histoire. Mais au fur et à mesure, on a fait comprendre, donc la République s'est installée, remplaça, donc en quelque sorte pour longtemps, sinon pour toujours, donc la monarchie. Mais au départ, il y a eu des contestations, même si ce ne fut pas des contestations violentes. C'était le professeur Émile Mouroha. Nous marquons une courte pause pour ouvrir la page Bonne gouvernance. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et les 100 francs bout collectés chaque jour auprès des conducteurs de vélo par des agents de la SOTAVEBU constituent les frais de fonctionnement de la petite association. Emmanuel Nimbona, président de cette association, indique qu'il permet également d'octroyer des prêts aux conducteurs de vélo, la participation aux soins de santé et l'enterrement en cas d'accident mortel. Emmanuel Nimbona le dit après les lamentations de certains de ces conducteurs de vélo qui font savoir qu'ils ne savent pas la destination de cet argent. Je vous prie de le suivre. L'argent qui est collecté, il s'agit d'une cotisation des membres, et cela après concertation de ces derniers. Les 100 francs bout par jour permet le fonctionnement de l'association. Quant à la somme de 2000 francs par mois et par vélo, c'est la mairie qui peut répondre à la question de savoir à quoi il sert. Selon l'autorité municipale, il s'agit des frais de parking, comme on le trouve dans la loi des finances municipales. Sinon, chaque détenteur de vélo paie une quittance annuelle de 1000 francs. C'est de cette façon que la mairie l'explique. Pour ce qui est de la cotisation de 100 francs, nous louons un bureau, nous payons du personnel et du matériel de bureau. Tout ça, c'est de l'argent. En plus de ça, quand il y a un taxi vélo qui a des difficultés, on nous tient au courant. À partir des comités établis dans des parkings, on nous dit que tel conducteur a un problème. Il a été cogné ou il est malade chez lui ou à l'hôpital. Il y a un conducteur qui a un problème tel qui nécessite d'aller chez lui à l'intérieur du pays. Nous intervenons dans tous ces cas sociaux. Et même quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un prêt, nous lui accordons de l'argent. S'il y a celui qui veut fonder un foyer, nous lui venons en aide. Les cas des petits parents sont des cas de décès ou les cas d'accident sans que les proches de la famille soient capables de financer les funérailles. C'est ces cotisations qui facilitent l'enterrement, l'assistance médicale, voire les crédits d'autofinancement. C'était Emmanuel Nimbona, président de la SOTAVEBU, traduit en français par Charles Makote. Ce président de cette association ajoute que les 2000 francs bout que paie chaque conducteur de vélo à la fin du mois sont acheminés directement à la mairie de Bujumbura sous la rubrique de frais de parking et déposés directement sur un compte ouvert à la Finbank. Et plus de 200 hectares de plantations d'eucalyptus se trouvant dans les marais de la commune Musegati de la province de Bubanza doivent être détruits pour abriter les cultures vivrières. Cette campagne est menée par des agents de la direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement dans cette province. Le directeur de cette institution fait savoir que non seulement que l'eucalyptus acidifie le sol, les marais doivent être rendus disponibles pour les cultures vivrières, n'est-ce pas, Spes Caritas Cabagnan? En zone Namba, dans la commune de Mosigati, par exemple, il est prévu de détruire 150 hectares de plantations d'eucalyptus installées dans les marais de cette localité. À Kivjouka, c'est plus de 50 hectares. Partout où l'eucalyptus se fera remarquer dans les marais ou dans d'autres terrains non autorisés, il sera détruit selon le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, Abubanza. Wilinda Ikeza précise également que cette campagne a comme objectif d'élargir les terres cultivables et surtout libérer les marais qui sont très fertiles. Il indique que l'eucalyptus acidifie le sol, que c'est un arbre à planter sur des terrains abrupts et caillouteux. Chaque jeudi de chaque semaine, il est prévu des activités pareilles jusqu'à ce qu'on en finisse avec ce genre de plantations se trouvant sur des terrains non autorisés selon les moniteurs agricoles contactés. Le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement indique également qu'il avait lancé un communiqué appelant les propriétaires de ces plantations à le faire eux-mêmes. Le délai limite était fixé au 15 octobre dernier. Wilinda Ikeza déplore le fait que très peu de cultivateurs ont répondu à cet appel, raison pour laquelle la DPAE le fait elle-même actuellement. Merci, SPS. Des effectifs des filles qui abandonnent l'école ont augmenté ces deux dernières années en province Kirundo. Cela a été dit par Alain Tribert Moutabazi, gouverneur de cette province. Certaines des causes de ces abandons scolaires sont des grossesses non désirées et le mariage précoce, des raisons que certaines des jeunes filles élèves du collège communal de Kanyinya confirment. Malgré cela, le gouverneur de la province Kirundo rassure que des cas d'abandon liés aux grossesses non désirées vont en diminuer. N'est-ce pas, Gertrude Mawenaï? C'est une des jeunes filles élèves de l'école fondamentale Kanyinya qui témoigne du cas d'abandon scolaire de son camarade alors qu'elle avait eu de bonnes notes. Le directeur dit, tu vois qu'elle a abandonné alors qu'elle avait eu des points satisfaisants. C'est dommage. Cette jeune fille affirme que la plupart des filles qui quittent l'école le font avec comme cause les grossesses non désirées et le mariage précoce. Oui, il y a celles qui abandonnent l'école pour se marier et d'autres parce qu'elles sont enceintes. Et cette autre jeune fille élève de la 7e année à cette même école dit que ça est arrivé à l'une de ses amies, mais que cette dernière a pu réintégrer l'école. Oui, une de mes amies a abandonné l'école parce qu'elle avait été engrossée, mais par après, elle a réintégré l'école. Elle était en 3e année post-fondamentale. Le gouverneur de la province Kirundo, Alain Tribert Moutabazi, explique néanmoins que les effectifs des camps d'abandon scolaire liés aux grossesses non désirées ont diminué ces deux dernières années scolaires où pour l'année scolaire 2016-2017, 105 cas d'abandon liés aux grossesses non désirées ont été enregistrés contre 70 cas pour l'année scolaire 2017-2018. Cependant, cette autorité administrative déplore l'augmentation des effectifs d'abandon scolaire des jeunes filles d'une façon générale avec 1400 abandons au cours de l'année scolaire 2016-2017 contre 1600 abandons au cours de l'année scolaire 2017-2018. Le gouverneur de la province Kirundo l'a dit ce mardi lors des cérémonies du lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles en commune Bugabira de la même province. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique de dédication, dans la chronique éducation de ce mercredi, nous revenons sur l'échec scolaire. Parmi les signes de l'échec scolaire est la présence régulière en classe, mais sans succès. Comme expliqué par le psychopédagogue Alexine Daïziguié, l'échec peut causer à l'élève le développement de dégoût scolaire et conseille aux parents dont leurs enfants échouent lamentablement de consulter les experts en éducation et en psychothérapie. Plus de détails dans cette chronique éducation avec Eline Ber-Nibigir. Dans notre précédente chronique éducation, l'on vous a parlé des principales causes de l'échec scolaire. L'expert en éducation et en psychothérapie, Alexine Daïdiguié, fait savoir que pour que le parent ou l'enseignant parle d'échec scolaire pour son élève, il doit vérifier que l'élève se présente en classe régulièrement et qu'il n'est pas intellectuellement déficitaire. Il faut préciser certaines conditions d'apprentissage. D'abord, l'enfant n'a pas de déficit ou retard intellectuel. La matière est bien transmise par l'enseignant. Et l'élève ou l'écolier se présente régulièrement en classe. Quand toutes ces conditions sont réunies, alors l'enfant se trouve en situation d'échec. Un parent peut se poser la question suivante. Pourquoi mon enfant est-il en situation d'échec scolaire? L'élève peut grandir avec les problèmes relatifs à l'échec scolaire, mais en voit les conséquences dans les années ultérieures. Le psychopédagogue Alexis Ndaïdiguié prévient que l'échec scolaire fréquent peut aboutir au dégoût de l'école. L'échec scolaire affecte non seulement la vie socio-économique de la famille, mais aussi la vie socio-professionnelle du pays et de l'enfant de manière particulière, dans le présent, même dans le futur. Au cas où l'enfant parviendra à terminer les études avec des lacunes, ça serait un handicap en ce qui concerne ses activités socio-professionnelles. Dans sa profession de tous les jours, il peut échouer à résoudre certains problèmes ou à faire convenablement ses activités. Ou bien, ça peut freiner totalement les apprentissages. L'enfant peut ne pas continuer à étudier ou il peut abandonner. Ou bien il peut faire ce qu'on appelle le décrochage, il peut avoir le dégoût scolaire. Cet expert Alexis Ndaïdiguié conseille les parents et les enseignants de ne pas maltraiter les élèves en cas d'échec car, avertit-il, la situation risque de s'empirer. Il leur appelle plutôt à consulter les psychopédagogues pour une aide. Il informe également aux parents dont les ménages connaissent des querelles de l'arrêter car cela affecte l'enfant. Merci Nibel, merci également au psychopédagogue Alexis Ndaïdiguié. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci également à Serafine Akizimana qui assure la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Un bon après-midi à tous, au revoir.